43e leçon. Que faites-vous dans la vie? De nos jours, il y a une grande variété d'emplois. On peut devenir ingénieur ou informaticien, médecin ou avocat, par exemple. Ces dernières professions nécessitent plusieurs années d'études supérieures à l'université ou dans une grande école. D'autres préfèrent devenir journalistes ou publicitaire. Et n'oublions pas les artisans, tels que le menuisier, le plombier ou le maçon. Certaines personnes ne peuvent pas supporter de travailler à l'intérieur, dans des usines, des ateliers ou des bureaux. Alors, elles peuvent devenir représentants ou même chauffeurs de taxi. Et malheureusement, il y a ceux qui ne trouvent pas de travail, les chômeurs. Définition d'une administration. Une administration est un service où ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Exercice. Que font-ils ? Il est ingénieur et son frère est informaticien. Et que fait sa femme ? Elle est au chômage. Il a un travail très intéressant. Il est avocat. Je ne supporte pas le froid. Ça nécessite beaucoup de travail.